Donc, aujourd'hui, on va essayer de traiter le licenciement. En 1 heure et demie, autant vous dire qu'on ne va pas voir grand-chose. Et on va commencer donc par la procédure classique de licenciement et on évoquera à la fin juste la notion de licenciement économique et l'obligation de reclassement de l'employeur. Alors, les premières questions que je vous avais posées. Alors, attendez. Si je ne mets pas ça en marche, à nouveau, ça va faire comme la semaine dernière. Excusez-moi. Donc, la première question que je vous avais posée. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, on va le faire à la main. Donc, c'était sur l'entretien préalable. Et on se posait la question de savoir est-ce qu'on. On peut prévoir un entretien juste 3 jours après la lettre de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable. Et la réponse à ça, elle se trouve donc dans l'article 1232.2 qui vous dit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou remise en main propre. D'accord? Cet entretien préalable, il est indispensable, nous dit l'alinéa 1, avant toute sanction autre que l'avertissement. D'accord? Pour un avertissement, vous n'avez pas besoin d'avoir un entretien préalable, mais en tout cas, en matière de licenciement, vous devez avoir un entretien préalable, comme nous le précise l'article. Et quel est l'objectif de cet entretien préalable? C'est ce que nous dit l'article 1232.3. L'employeur donc doit informer le salarié quels sont les faits qui lui sont reprochés. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? On va voir que ces faits, ce n'est pas nécessairement ceux qui figureront dans la lettre de licenciement. Et comme l'entretien préalable est peut-être très intimidante pour le salarié, le Code du travail a prévu que le salarié peut toujours se faire assister. Et alors, il peut se faire assister par n'importe qui, par un autre salarié de l'entreprise. Ce n'est pas forcément un salarié protégé, un représentant du personnel. D'accord? Et s'il ne trouve personne, s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, à ce moment-là, l'employeur doit indiquer au salarié qu'il peut se faire assister par une personne qui est extérieure à l'entreprise et qui figure en fait sur une liste. Et ça, c'est notamment une règle qui est destinée aux petites entreprises. Et donc, il y a dans d'autres entreprises de la région, il y a des salariés qui sont considérés comme des salariés protégés et dont la mission est d'aider et d'aller justement dans ces entreprises-là pour assister un salarié lors de l'entretien préalable. Est-ce qu'on peut remplacer l'entretien préalable par une conversation téléphonique ou maintenant par une discussion Skype? Vous avez pressenti la bonne réponse. Effectivement, la réponse est non. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des faits qui ont été commis par le salarié après l'entretien préalable? Eh bien, la réponse, là aussi, est non. D'accord? Si le salarié commet à nouveau des faits fautifs, eh bien l'employeur reconvoque le salarié à un entretien préalable pour discuter de ces faits. Et se pose maintenant cette question de est-ce qu'on peut, durant l'entretien préalable, parler de certaines choses avec le salarié et finalement le licencié pour un tout autre motif qui n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable. Et spontanément, vous pensez que ce n'est pas possible, que quelque part, ça serait malhonnête de la part de l'employeur de le faire. Et pourtant, la Cour de cassation l'admet parfaitement. Donc, en fait, dans un entretien préalable, un employeur, il peut parfaitement se taire et dire, j'ai rien à vous dire, mais on doit faire l'entretien préalable. Donc, vous restez ici devant Ça. moi jusqu'à là. Oui. On le saura que sur la lettre, que sur quoi alors du coup? Bah, La lettre. dans la lettre de licenciement. Ça veut dire que le salarié ne peut pas se défendre de rien. Alors, justement, on va revenir là-dessus, sur quelle est la finalité de l'entretien préalable, qu'est-ce qui pourquoi on organise ces entretiens préalables. Autre question que je vous posais, c'est quelle est la conséquence en fait de l'absence d'entretien préalable. Et vous avez pensé que dans ces cas-là, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, parce que vous accordez une grande importance finalement à l'entretien préalable. En réalité, c'est simplement un licenciement qui a fait l'objet d'une procédure irrégulière, et donc il est sanctionné au titre de la procédure irrégulière, mais ça ne remet pas en cause l'éventuel bien fondé en fait du licenciement lui-même. D'accord. Donc c'est ce qu'on aperçoit donc, à travers les quelques arrêts que je vous ai donnés là, qui sont à peu près les jurisprudences les plus importantes en matière d'entretien préalable. Donc il ne peut pas être remplacé par une conversation téléphonique. S'il y a des faits postérieurs, on doit convoquer à nouveau le salarié. Et il y a des cas dans lesquels le salarié ne peut pas se rendre à un entretien préalable. D'accord. Et bien dans ces cas-là, peu importe, l'employeur n'est pas tenu à tout prix de reconvoquer le salarié à une date qui lui conviendrait mieux. Donc vous avez été convoqué à un entretien préalable. Si vous ne pouvez pas vous présenter, à la rigueur, l'employeur peut continuer la procédure de licenciement. D'accord. Donc ce n'est pas une formalité qui est substantielle, c'est ça que je voulais dire. Et surtout, donc la conséquence qui en découle, qui apparaît notamment dans l'arrêt de 2015, c'est que ça ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et comme l'avait déjà jugé la Cour de cassation en 1995, on peut parfaitement licencier le salarié pour un motif qui n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable. D'accord. Alors, les autres questions que vous avez posées. Un salarié qui frappe son supérieur hiérarchique, et lors de l'entretien préalable, donc le salarié est assisté, et l'employeur, lui, il a convoqué la personne qui est victime et un témoin de l'altercation. Alors, vous avez pensé que la procédure est régulière, mais quand on y réfléchit un peu, vous vous rendez compte que dans ces cas-là, le salarié, il se retrouve seul, éventuellement assisté de quelqu'un, face à trois personnes qui l'accusent. Vous voyez ? Est-ce que ça dénature pas, quelque part, l'entretien préalable ? Parce que l'entretien préalable, l'idée, c'est que le salarié discute avec son employeur de ce qui lui est reproché. Si vous avez devant vous une sorte de tribunal où il n'y a que des personnes qui vont témoigner contre vous, vous voyez bien que ça nuit à la sérénité de l'entretien préalable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des cas dans lesquels en fait, la procédure est irrégulière parce que l'entretien préalable ne répond plus à sa finalité, qui est de permettre une discussion contradictoire entre le salarié et l'employeur ? Le patron, un témoin, et puis celui qui s'est fait frapper. Enfin, moi je trouve que c'est pas trop, oui. Enfin, après, il faut tenir compte, toujours en matière de licenciement, quelle est l'ancienneté du salarié, dans quel contexte est intervenue l'altercation, si c'est des gars du bâtiment qui ont l'habitude de ne pas mâcher leurs mots, d'être assez physique, et qui lui a donné juste une gifle, D'accord, là j'ai mis frapper de manière sans autre précision, mais c'est pas forcément quelque chose de gravissime, quoi. Je veux dire, c'est là l'idée c'était simplement, est-ce qu'il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre entre l'employeur et les personnes qui assistent l'employeur et le salarié qui ne peut être assisté que d'un seul autre salarié, d'accord. Et la Cour de cassation, on va le voir, a considéré que là, justement, l'entretien préalable avait dégénéré, qu'on n'était plus vraiment dans un entretien préalable. Autre question qui peut se poser, c'est, et notamment dans les PME, est-ce que l'employeur peut déléguer l'entretien préalable à quelqu'un, notamment à son expert comptable, parce que généralement c'est l'expert comptable qui fait tout le service de la paye et qui va gérer en fait toute la procédure de licenciement. Alors, les réponses à ces questions, c'est que, déjà, le délai de 5 jours, il est incompressible, et c'est l'employeur qui doit lui-même diligenter cet entretien préalable, d'accord. Alors, ça ne peut pas être un tiers, mais la Cour de cassation, elle a un peu assoupli cette notion de tiers à l'entreprise, notamment au regard des sociétés qui appartiennent à un groupe. Donc là, vous voyez, on vous dit que le directeur financier d'une société mère, ce n'est pas une personne qui est totalement étrangère aux filiales. D'accord ? Donc dans les groupes, il y a des, la jurisprudence a un peu atténué la rigueur du principe. Ça ne peut pas être une personne tiers à l'entreprise. Et en 91, elle a considéré que l'entretien préalable, ce n'est pas une enquête. D'accord ? Donc, si vous faites assister de la victime, d'un témoin, ce n'est plus un entretien préalable, c'est une véritable enquête. Et il y a un professeur de droit qui s'appelle M. Savatier qui a écrit un article sur cet arrêt et qui dit que la solution de la Cour de cassation, elle se comprend, qu'on ne se retrouve pas devant une sorte de tribunal, mais en même temps, elle est regrettable. Elle est regrettable parce que ça veut dire qu'en fait, dorénavant, il y a deux temps dans la procédure de licenciement. Il y a le premier temps où en fait, l'employeur va enquêter, savoir si les faits sont avérés ou pas. Et toute cette procédure de l'enquête, finalement, il l'a fait par lui-même. Donc, ce n'est pas une procédure qui est contradictoire. Et après, lors de l'entretien préalable, eh bien, on n'est plus dans le cadre de l'enquête. Donc là, il y aura une discussion contradictoire, mais sans aucun témoin. Donc finalement, le salarié, certes, il sera peut-être moins intimidé lors de l'entretien préalable, mais il ne pourra pas discuter et éventuellement répondre aux accusations dont il fait l'objet de la part de la victime des coups, par exemple, ou du témoin. D'accord ? Donc vous voyez que c'est une solution qui, à la fois, se comprend, mais qui a quelques inconvénients. Et autre chose qui est importante, c'est pour ça que j'ai mentionné le dernier arrêt, quand vous faites assister lors de l'entretien préalable, la personne qui vous assiste, parfois, elle va faire un compte-rendu, en fait, de cet entretien préalable. Et le juge n'est pas tenu de prendre en compte ce qui est écrit dans ce document, parce que c'est simplement une attestation, et le juge apprécie souverainement les attestations. Mais parfois, il y a j'ai déjà vu, en fait, des dossiers dans lesquels la cour d'appel a été influencée par le compte-rendu qui a été fait par le salarié qui assistait le salarié licencié. Donc vous voyez, c'est important, si un jour vous êtes confronté à ça malheureusement, que la personne qui vous assiste fasse le compte-rendu le plus précis possible. D'accord ? Parce que ça, c'est un élément que vous pourrez faire valoir devant le juge, même si bon, le juge n'est pas tenu de le prendre en considération. D'accord ? Alors ça, c'était toute la procédure qui va jusqu'à l'entretien préalable. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors déjà, est-ce qu'on peut remettre la lettre de licenciement juste après, à la fin de l'entretien préalable ? La réponse est évidemment non, parce que ça voudrait dire qu'en fait, la décision de licenciement, elle a déjà été prise. D'accord ? Oui ? Dans l'article avant, c'était pas marqué, de convocation à l'entretien préalable, elle peut être remise en main propre. Mais la lettre de licenciement elle-même, c'est la deuxième lettre qui intervient après, elle ne peut pas être remise en main propre à la fin de l'entretien préalable, parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, l'entretien préalable, c'était une mascarade, qu'en gros, l'employeur avait déjà pris sa décision. Question similaire, et qui finalement... était là juste pour vous faire comprendre qu'on a voulu imposer un délai entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement. Est-ce qu'on peut remettre la lettre de licenciement à la fin de la journée ? La réponse est également non. Et malheureusement, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui... Il faut l'envoyer par la poste. Alors, c'est ce que nous dit l'article 1232.6. L'employeur qui décide de licencier doit envoyer la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. D'accord ? La lettre, évidemment, elle comporte les motifs du licenciement. Et il y a un délai de 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Et pourquoi il y a ce délai de 2 jours ouvrables ? En fait, le législateur, il a vraiment voulu s'assurer que l'employeur est sûr de rompre le contrat de travail. Donc, vous voyez, il y a un délai de 5 jours avant l'entretien préalable pour que le salarié prépare sa défense. Et il y a un délai de 48 heures après l'entretien préalable pour que l'employeur réfléchisse et mûrisse sa décision et qu'il prenne le temps de formaliser clairement les griefs qu'il reproche au salarié dans sa lettre de licenciement. D'accord ? Et la grosse innovation des ordonnances travail de septembre 2017, c'est que dorénavant... on a des modèles, en fait, de lettres de licenciement que vous pouvez télécharger sur, je crois, le site du ministère du Travail. Donc, à partir de maintenant, on peut presque licencier par formulaire, quoi. Et ça, c'est un peu choquant parce qu'avant, il fallait véritablement rédiger, faire un effort de rédaction dans sa lettre de licenciement, et quelque part, l'employeur, il était obligé de vraiment formaliser, vous voyez, les raisons pour lesquelles il licenciait le salarié. Maintenant, il a 3 cases à cocher et son licenciement, il est motivé. La raison pour laquelle on a mis en place ces modèles, c'est qu'en réalité, il y a eu un énorme contentieux sur, et on va un peu l'évoquer après, sur qu'est-ce qui fait que le grief dans la lettre de licenciement, il est précis. Vous voyez, il y a plein d'employeurs qui ont vu des licenciements être considérés comme sans cause réelle et sérieuse parce qu'en gros, ils ne savaient pas rédiger une lettre de licenciement. Donc l'idée de faire des modèles, c'est d'éviter finalement un contentieux qui peut paraître un peu artificiel, où finalement un salarié obtient qu'un licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse, juste pour, en raison d'une imperfection de rédaction de la lettre de licenciement. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Pour les employeurs, c'est mieux. Les ordonnances de 2017 modifient par rapport aux lettres de licenciement. C'est ça. Oui, il y en avait plusieurs, mais c'était effectivement les modèles. Vous donnez votre avis sur ça? Oui, du coup, c'était les lettres toutes faites. Si. C'est mieux. Parce qu'à un moment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat, en gros. C'est clair et précis. Alors, j'ai pas vu encore les modèles, mais c'est pas si précis que ça, justement. Parce que comme on coche des cases, s'il y a une case, par exemple, insubordination, la case, elle est juste cochée, mais le salarié ne sait pas quels sont les faits d'insubordination qui lui sont reprochés. Si c'est juste une case faute grave qui est cochée, on ne sait pas en quoi consiste la faute grave. Et on va voir, en fait, après, que la jurisprudence, elle était allée assez loin dans la manière dont le grief devait être formulé, justement pour permettre aux salariés d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés dès la lettre de licenciement. Et on va voir que les ordonnances Macron, elles sont revenues là-dessus, et dans certains cas, ça peut être assez défavorable aux salariés parce qu'il va découvrir le motif de licenciement au cours de l'instance prud'homale. Et ça, c'est dangereux parce que l'employeur, il peut toujours, avec juste en ayant coché faute grave ou insubordination, il peut toujours inventer des nouveaux éléments pour caractériser cette faute grave et cette insubordination. Alors qu'avant, tout était figé dans la lettre de licenciement. Donc il y avait quand même une certaine sécurité pour le salarié qui va perdre avec ces modèles et la possibilité qu'a l'employeur de préciser les griefs au cours de l'instance. D'accord ? Après, est-ce que le salarié ne peut pas imposer lors de l'entretien préalable parce que l'employeur lui dise vraiment le... Non, parce que le code du travail, de ce point de vue-là, il n'a pas été changé. Et en plus, il y aurait un problème insurmontable de preuve. Parce que qu'est-ce qui s'est dit lors de l'entretien préalable, à moins qu'il ait été enregistré, ça reste une discussion qui a lieu derrière une porte fermée, quoi. Non, mais si le salarié sait ce qu'il a fait, et puis après, c'est juste coché, par exemple, la subordination, mais que l'employeur lui a précisé ce qu'il avait fait. Dans ce cas-là, si c'est vrai, si ça s'avère vrai, dans ce cas-là, il ne conteste pas, mais voilà. Non, mais dans beaucoup de cas, ça ne sera pas contesté. Mais si c'est simplement à l'oral, il n'y a pas de trace de ça. L'idée que ce soit figure dans la lettre de licenciement, c'est de dire, voilà, il y a une trace écrite de ce qui est clairement reproché et précisément reproché au salarié. Là, maintenant, il y aura juste une case cochée avec un terme qui est plutôt générique et qui peut recouvrir plein de choses différentes. Et un employeur qui est de mauvaise foi, rien ne l'empêche après, dans le cadre du procès, de modifier entièrement sa version par rapport à ce qui a été dit lors de l'entretien préalable. D'accord ? Donc c'est quand même moins... c'est protecteur des intérêts de l'employeur dans le cadre de sa décision de licencier quelqu'un. C'est défavorable au salarié dans la mesure où il se retrouve avec une certaine incertitude sur ce que va dire ensuite l'employeur devant le juge. D'accord ? Le licenciement verbal. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est impossible ? Alors, vous avez été beaucoup à croire que c'est impossible et que le contrat de travail se poursuit. Non, c'est parfaitement possible, le licenciement verbal. Quelqu'un qui vous dit, bah, vous prenez vos affaires, vous sortez de l'entreprise, je ne veux plus jamais vous revoir, ça rompt le contrat de travail. Simplement, ce sera forcément un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'accord. Alors, que nous dit la jurisprudence sur la lettre de licenciement ? Déjà, et c'est la première chose, c'est que la lettre de licenciement, ça n'est qu'un moyen de preuve. D'accord ? C'est pas une formalité substantielle. Vous pouvez parfaitement notifier une lettre de licenciement par huissier, par chronopost. Bon, par courriel ou par fax, c'est pas encore admis. Et j'avais notamment fait un dossier en fait, d'un employeur qui avait licencié par courrier recommandé avec avis de réception, mais il avait perdu l'avis de réception. Enfin, plus exactement, en fait, il avait envoyé sa lettre recommandée par le site de la Poste, et le site de la Poste, à l'époque, ne donnait pas l'avis de réception. Il fallait le réclamer, et au bout d'un an, elle détruisait les avis de réception. Et la question qui s'était posée, c'était de savoir est-ce que le licenciement est irrégulier, est-ce que la salariée, parce qu'en l'occurrence, la salariée en face, prétendait n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement, d'accord ? Eh bien, la Cour de cassation a estimé que, voilà, sur la lettre de licenciement qui avait été envoyée en recommandé, il y avait bien l'adresse de la salariée, adresse à laquelle lui étaient adressés tous ses bulletins de salaire, et que, par conséquent, le contrat était valablement rompu, même si la salariée prétendait n'avoir jamais reçu l'accusé de réception, et même si... je ne sais plus ce que je voulais dire avec cette note rompue. Bref, donc le contrat était valablement rompu, d'accord ? Et concernant donc le licenciement verbal, vous avez ces deux arrêts de 92 et 98 qui vous disent que ça rompt bien le contrat de travail, mais simplement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Avec les problèmes de lettres, se pose toujours le moment de savoir qu'est-ce qui rompt le contrat de travail ? Est-ce que c'est l'envoi de la lettre ou est-ce que c'est la réception de la lettre ? Alors, pendant très longtemps, la Chambre sociale a dit « c'est la réception de la lettre ». Et en fait, elle a fait un revirement de jurisprudence pour dire dorénavant, en fait, c'est la théorie de l'émission qui prévaut. C'est-à-dire qu'en fait, le licenciement, c'est un acte de volonté qui est unilatéral de l'employeur. Et cet acte de volonté, il produit tous ses effets juridiques au moment où il y a cette expression de la volonté, au moment où l'employeur poste la lettre. Donc, il est en courant le lendemain, de toute façon, puisqu'il la reçoit par recommandé avec accusé de réception. Ben justement, c'est en fait là. Non, mais c'est surtout. Non, c'est plus que ça. C'est qu'en fait, il y avait des salariés qui savaient qu'ils allaient être licenciés et qui refusaient d'accuser réception de la lettre. Donc là, dorénavant, la Cour de cassation dit ben, c'est la théorie de l'émission. Donc, vous pouvez refuser d'accuser réception de la lettre. De toute manière, le contrat de travail, il est déjà rompu parce qu'il a été rompu au moment de l'envoi. D'accord ? Autre question, l'employeur peut-il revenir sur sa lettre de licenciement et est-ce que dans ce cas-là, le contrat de travail se poursuit ? Et je trouve que vous avez été très dur dans vos réponses quand même, parce que la Chambre sociale, vous voyez, elle cherche quand même à préserver l'emploi, elle cherche à maintenir le contrat de travail. Donc on aurait très bien pu admettre que l'employeur qui revient sur sa décision, c'est une décision qui forcément est favorable au salarié, qui va vouloir continuer à travailler. Donc le contrat de travail n'est pas rompu et on considère que la lettre de licenciement est non avenue. Cela étant, vous aviez raison. Vous aviez raison, donc... la Cour de cassation nous dit la rupture, elle intervient au moment où on envoie la lettre, d'accord ? Et l'employeur peut revenir sur sa décision, mais il faut quand même l'accord du salarié dans ce cas-là, d'accord ? Donc si le salarié est d'accord pour qu'on revienne sur le licenciement, à ce moment-là, le contrat de travail se poursuit. Et il n'y a pas besoin de conclure un nouveau contrat de travail, d'accord ? On tient juste pas compte de la lettre de licenciement. D'accord ? Donc il y a une sorte de balance ou un équilibre qui a été trouvé par la Cour de cassation comme ça. Parce que vous voyez, le salarié peut très bien dire bon, vous avez rompu le contrat de travail, on se retrouvera devant un juge et je contesterai la cause du licenciement. Et ce serait trop facile, en fait, pour l'employeur de revenir sur sa décision après avoir suivi toute une procédure de licenciement et forcer le salarié à démissionner ou à prendre acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur. Donc là, on a dit, voilà, si le salarié l'accepte, à ce moment-là, on ne tient pas compte de la lettre de licenciement, mais le salarié peut très bien dire, eh bien, le contrat de travail est rompu et on se retrouvera devant un juge. D'accord ? Alors, la lettre de licenciement, qu'est-ce qu'elle doit contenir ? Et c'est posé la question... est-ce que la lettre de licenciement, elle peut être motivée par la lettre de convocation à l'entretien préalable ? Parce que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur, il est plus ou moins dissert, c'est-à-dire que parfois, il dit juste « vous êtes convoqué à un entretien préalable, à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement », mais parfois, il détaille dans cette lettre de convocation tous les griefs qu'il fait valoir au salarié, pour que le salarié puisse préparer sa défense utilement et avoir une véritable discussion avec l'employeur lors de l'entretien préalable. Et... Donc il y avait une pratique qui s'était instaurée où l'employeur disait, ben voilà, voilà la lettre de licenciement et les faits qui vous sont reprochés à l'appui de ce licenciement sont ceux qui ont été évoqués lors de l'entretien préalable et qui figurent dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Et dans son arrêt d'assemblée plénière en 98, la Cour de cassation vous dit, ça, c'est pas, on ne peut pas motiver la lettre de motivation par référence à la lettre de licenciement par référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable. Pourquoi ? Eh bien, en fait, la solution retenue par la Cour de cassation, elle se comprend parce que sinon, la solution inverse, ça voudrait dire qu'en fait, la décision de l'employeur, elle était déjà prise lorsqu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable. D'accord ? Donc il ne peut pas se référer à cette lettre de convocation parce que sinon ça veut dire qu'en fait toute la procédure de licenciement c'était un véritable simulacre. D'accord ? Donc la Cour de cassation exige que l'employeur reprenne dans la lettre de licenciement et qu'il formule une deuxième fois en fait les griefs qui sont retenus contre le salarié pour justifier la rupture du contrat de travail. C'est peut-être parfois un copier-coller de la lettre de convocation à l'entretien préalable, certes, mais il doit impérativement le refaire une deuxième fois dans la lettre de licenciement. Oui. Bah ouais, c'est ce que je voulais dire. En fait, si c'est exactement les mêmes termes, c'est quand même bizarre de ne pas reprendre une chose. Oui, mais c'est pour se garantir que l'employeur, il est sûr de sa décision lorsqu'il écrit cette lettre de licenciement. C'était ça la jurisprudence antérieure, de dire c'était pas on cochait pas trois cases. Il y avait un véritable effort de rédaction de la part de l'employeur dans le cadre de la lettre de licenciement, pour que ça manifeste bien sa volonté de rompre le contrat de travail et les raisons pour lesquelles il le fait. Alors, il y a quand même un tempérament à ça, c'est que la Cour de cassation admet qu'on puisse agrafer, en fait, la lettre de convocation à l'entretien préalable à la lettre de licenciement. Et dans ces cas-là, en fait, vous voyez, pour la Cour de cassation, tout est dans la même enveloppe, d'accord ? Et l'employeur, c'est pas une lettre de licenciement qui est vide. C'est vraiment, les deux ne font qu'un, d'accord ? Et c'est un seul document qui se suffit à lui-même, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe si le salarié a reçu sa lettre de licenciement et il commet une faute gravissime après, notamment pendant son préavis ? Est-ce que l'employeur peut, dans le cadre de la contestation du licenciement, se prévaloir en fait de ces faits qui sont intervenus après la lettre de licenciement ? Et à travers cette question, je voulais vous faire comprendre cette jurisprudence de la Cour de cassation qui date de 91 et dans laquelle on vous dit que la lettre de licenciement, elle fixe l'objet du litige vis-à-vis de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra aller devant le juge que pour discuter les éléments qu'il a fait figurer dans la lettre de licenciement. D'accord ? Et en 90, la Cour de cassation précise, l'employeur ne peut invoquer aucun autre motif que ceux qui figurent dans la lettre de licenciement. Et ça, c'est pour que, encore une fois, le salarié sache dès la lettre de licenciement tout ce qui lui est reproché. Et savoir tout ce qui lui est reproché, ça lui permet d'envisager en fait quelles sont ses chances de succès devant un juge. D'accord ? Il pourra dire, voilà, sur l'état d'ébriété, par exemple, qui m'est reproché, le contrôle qui a été fait, c'était un contrôle qui était complètement irrégulier. En plus de ça, le fait de pouvoir faire des contrôles d'éthylotest dans l'entreprise, c'était pas dans le règlement intérieur, ou en tout cas, le règlement intérieur n'a pas été déposé auprès du greffe du tribunal du conseil de prud'homme. Vous voyez, il peut déjà savoir, avec le recours de l'aide d'un avocat, si ça vaut le coup ou pas d'aller devant le juge. Donc c'est pour ça en fait que la Cour de cassation disait il faut que tout soit fixé dans la lettre de licenciement et on ne peut pas invoquer de nouveaux griefs parce que sinon, au long du procès, en fait, ça devient une véritable loterie parce que l'employeur va inventer de nouveaux manquements aux salariés tout au long du procès. Et donc, en fait, les procès s'éternisent, vous voyez, on est obligé de faire des nouvelles audiences pour que le salarié puisse répondre aux nouvelles accusations qui ont été faites contre lui, etc. Donc, en fait, l'idée que tout est figé dans la lettre de licenciement vis-à-vis de l'employeur, ça permet, vous voyez, de garantir que l'instance prud'homale qui aura lieu après va se dérouler de manière à peu près sereine, puisque on sait de quoi on va parler dès le début. Et on ne parlera pas d'autre chose. Par rapport à ce que vous dites sur le salarié, le salarié pourrait se défendre, par exemple, l'état d'ébriété en disant que c'est pas dans le règlement intérieur, c'est pas écrit dans le règlement intérieur que les employeurs ont le droit de faire des tests d'alcoolémie sur les salariés. Ouais. Le salarié pourrait se défendre avec ça. Bah, c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, faire des contrôles de tests salivaires pour savoir si les salariés ont fumé du cannabis, c'est quand même une intrusion dans la vie privée des gens. Donc. Bah, mais ça paraît logique. Parce que les personnes qui arrivent, si je génère un peu, admettons un employé qui arrive à 2 grammes et qui arrive dans l'entreprise, il ne prend pas son boulot correctement, ça peut être dangereux pour les autres. Non, mais c'est comme ça rejoint la problématique qu'on avait vue sur la surveillance du salarié. Pour qu'il y ait une surveillance du salarié qui est possible, il faut que tout le monde soit au courant qu'elle peut avoir lieu. D'accord, faut une information préalable. Donc l'idée de dire on fera des tests d'alcoolémie dans l'entreprise, soit de manière aléatoire, soit de manière systématique, il faut que ce soit formalisé quelque part. D'accord. Pareil pour les tests de consommation de drogue, etc. L'employeur ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire je prélève un cheveu à tout le monde pour savoir qui a consommé de la drogue, surtout qu'en plus, pour ces tests-là, ça remonte à... Enfin, si on a les cheveux longs, ça peut remonter à loin. Vous voyez, c'est... Ouais, c'est ça, la rigueur, oui. Enfin, c'est parce que c'est pas sur le fait même. C'est du temps, il y a 3 semaines, et puis ça reste encore, ok. Mais là, si c'est le jour même qui se fait... Oui, non, mais en fait, j'ai pris un... Mais en même temps, il y a des arrêts de la Cour de cassation, j'ai les références de ça, qui disent clairement que si c'était mentionné... Enfin, si ça a été mentionné dans le règlement intérieur, mais qu'il n'y a pas eu de formalité de dépôt du règlement intérieur, c'est pas opposable au salarié, donc le licenciement, il forcément s'en causerait la sérieuse. Ça, c'est une logique qui est... qui rejoint l'idée de dire on peut mettre en place des méthodes de surveillance, mais il faut que les salariés soient préalablement au courant. Forcément, je vais beaucoup trop loin. Imagine dans le règlement intérieur, c'est pas écrit vous pouvez pas tuer votre collègue. Non, parce que là, il n'y a pas besoin de l'écrire. Parce qu'il n'y a pas besoin de le. Ouais, on ne met pas en place une méthode de surveillance. Parce que je vais vraiment très loin, mais dans le principe, c'est ça. Si c'est pas écrit, je peux le faire. Non. Bah, on peut pas faire des détournements de fonds, on peut pas faire du harcèlement moral ou sexuel vis-à-vis d'un autre salarié. Là, il n'y a pas besoin que ce soit écrit dans le règlement intérieur pour qu'il y ait une sanction. Après, ça, on peut revoir, si vous voulez, à un autre moment, le pouvoir de sanction de l'employeur, mais... Voilà. C'est vrai, l'exemple était peut-être un peu brutal. Quoi. Voilà. C'était pour vous faire réagir. Ça a marché. Bon, autre principe de la lettre de licenciement, d'accord, c'est que la lettre de licenciement, elle doit énoncer un grief qui est précis. D'accord, ça c'est l'arrêt de 94. Et la précision du grief, c'était un peu les questions que je vous ai posées après, avec la double colonne, de savoir qu'est-ce qu'un grief précis et qu'est-ce qu'un grief imprécis. Donc l'insuffisance professionnelle, ça c'est précis. C'est précis. Et qu'est-ce qu'on entend par précis? Ça veut dire qu'est-ce qui peut être discuté devant le juge et qu'est-ce que le juge peut concrètement apprécier. Donc l'insuffisance professionnelle, vous voyez, une personne qui est engagée comme comptable et qui ne sait pas passer des écritures comptables, c'est de l'insuffisance professionnelle et ça peut se discuter devant le juge avec précision. les difficultés relationnelles, et Dieu sait s'il y a eu des licenciements qui ont été motivés ainsi, elles sont peut-être parfaitement avérées. Pour le juge, c'est absolument impossible de l'apprécier. D'accord ? C'est impossible de l'apprécier, et surtout, c'est impossible de l'imputer à un salarié en particulier, et en l'occurrence au salarié qui est licencié. Parce que c'est ça que, en fait, le juge vérifie. Il vérifie si le grief existe, et d'autre part, s'il est imputable au salarié. Parce que ça peut, des difficultés relationnelles, ça peut être très bien émaner de celui qui n'a pas été licencié. D'accord ? L'insuffisance de résultats, elle aussi, c'est un grief qui est précis, mais c'est un grief qu'il faut un peu préciser, au sens où l'insuffisance de résultats, elle doit résulter de deux choses, soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle. Pourquoi ? Parce que l'insuffisance de résultats, on ne veut pas qu'elle soit en fait conjoncturelle. D'accord ? Vous ne pouvez pas licencier quelqu'un pour ne pas avoir atteint les objectifs que vous lui avez signés, notamment, donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'automobile, si la même année, tout le secteur de l'automobile connaît une crise qui est énorme. Donc vous voyez que l'insuffisance de résultats, on doit pouvoir la rattacher au salarié, et c'est pour ça que la Cour de cassation vous dit l'insuffisance de résultats, elle résulte soit d'une insuffisance professionnelle, une personne qui est incapable de faire les fonctions qu'on lui a assignées, soit carrément d'une faute. D'accord ? Les absences répétées, évidemment que c'est un motif qui est précis, puisque là vous avez la preuve, mais l'incompatibilité d'humeur, vous voyez, les difficultés relationnelles, le manque de motivation, ça, le juge ne peut pas statuer là-dessus. Et la perte de confiance aussi, l'employeur qui perd confiance dans son salarié, c'est peut-être totalement vrai, mais c'est impossible pour un juge de dire si c'est avéré ou pas, parce que c'est la parole de l'employeur contre la parole du salarié. Alors, quelles sont les innovations majeures des ordonnances Macron concernant les lettres de licenciement? Alors, bon, il y en a certains qui n'en avaient absolument aucune idée, je vous dis, ça c'est un peu dommage pour une question de réflexion. Elles se trouvent dans l'article 1235.2. 1235.2 qui nous dit quoi? Que les motifs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement, et a fortiori quand il s'agit d'un des formulaires, peuvent être précisés au cours de l'instance. Alors, les termes ont vraiment une importance, c'est qu'ils peuvent être précisés. L'employeur ne peut pas ajouter des nouveaux motifs, il peut simplement préciser ce qui figure dans la lettre de licenciement. Et ça, vous voyez, c'est un retour en arrière considérable, puisqu'on revient en fait à l'état de la jurisprudence qui date des années 80. Parce qu'après l'arrêt Rogier de 90, d'accord, on vous a dit tout doit figurer dans la lettre de licenciement et on ne peut pas invoquer, comme ça apparaissait dans le slide juste avant, on ne peut pas invoquer de nouveaux motifs en cours de l'instance. Eh bien, dorénavant, on ne peut pas invoquer de nouveaux motifs, mais on peut préciser le motif générique de la lettre de licenciement avec tous les inconvénients que je viens de vous décrire. D'accord ? Il reste que la lettre de licenciement, nous dit l'alinéa 2, fixe l'objet du litige. Et si jamais le salarié ne demande pas à l'employeur la précision des motifs de licenciement, à ce moment-là, c'est juste une procédure de licenciement qui est irrégulière. Et comme vous le voyez à la fin de l'article, la sanction d'une procédure de licenciement irrégulière, c'est une indemnité qui correspond au maximum à un mois de salaire. Alors, quel est l'office du juge en matière de licenciement ? D'abord, le juge doit rechercher si la lettre de licenciement contient des motifs. D'autre part, le juge doit statuer sur tous les griefs de la lettre de licenciement. Il ne peut pas ne statuer que sur certains d'entre eux et ne pas statuer sur les autres. D'accord ? S'il y a 5 griefs de licenciement, il doit statuer sur les 5 griefs de licenciement. D'accord ? Et si jamais un juge ne statue que sur les 4 premiers, bah, l'employeur il va devant la Cour de cassation, il invoque cette règle comme quoi on doit statuer sur tous les griefs de licenciement et il obtient la cassation de l'arrêt à chaque fois. D'accord ? Et pour chaque grief, le juge doit vérifier si, d'abord, ce grief il est sérieux, et ensuite, s'il est réel. C'est pour ça qu'on parle de cause réelle et sérieuse. Est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve fournis par l'employeur qui attestent de la réalité de ce qui est reproché au salarié. D'accord ? Donc ça, c'est l'office du juge au regard de la lettre de licenciement qui lui est présentée. Mais on a admis très tôt que parfois, en fait, le licenciement, il intervient... Enfin, le motif qui est énoncé dans la lettre de licenciement, ce n'est pas le véritable motif de licenciement. Et le salarié peut, lui, de son côté, prouver que la réalité du motif de rompre le contrat de travail, elle est tout autre. Parce qu'il a été victime de harcèlement moral, parce qu'il a dénoncé des faits de corruption, parce qu'il est... voilà, il a été victime de harcèlement sexuel. Donc, la Cour de cassation, enfin, même avant 96, mais l'arrêt de 96 est assez connu, elle reconnaît au juge le pouvoir de rechercher la véritable cause du licenciement et de dire dans ce cas-là, eh bien, les motifs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement, ils sont fallacieux, ils sont artificiels. C'est en réalité un licenciement qui intervient pour une autre raison et donc il est sans cause réelle et sérieuse. Typiquement, un employeur qui ne veut pas mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, il va essayer de faire des licenciements disciplinaires vis-à-vis de certains salariés pour être toujours en dessous des seuils des 10 salariés qui sont licenciés dans une période de 30 jours, etc. D'accord ? Donc dans ces cas-là, en fait, le salarié il peut parfaitement arriver devant le juge en disant « Mais attendez, j'ai été licencié pour un motif disciplinaire qui est complètement artificiel. En réalité, l'employeur, il a des difficultés économiques, mais il ne veut pas mettre en place un PSE, donc il m'a licencié pour un motif disciplinaire. Mais regardez, les difficultés de l'entreprise, elles sont avérées. Voilà tous les documents qui ont été communiqués au comité d'entreprise, etc. » D'accord ? Donc en fait, il y a un contentieux qui peut se nouer où c'est le salarié qui, lui, a la charge de la preuve d'établir que la réalité du motif du licenciement, elle n'est pas dans la lettre de licenciement, elle est ailleurs. Mais si jamais il parvient à faire ça, à ce moment-là, le licenciement, il est sans cause réelle et sérieuse. D'accord ? L'employeur, il peut risquer plus que des dommages d'intérêt, c'est ben dans ces cas-là, en fait, comme le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il doit payer aux salariés des dommages d'intérêt, et on va voir que les ordonnances Macron, elles ont instauré le fameux barème, mais avant, sans le barème, il devait indemniser le salarié, parce que, en fait, le licenciement n'est pas motivé, parce que la motivation qui figure dans la lettre de licenciement, elle est fausse, quoi, d'accord ? La véritable raison, elle est ailleurs, d'accord ? Donc c'est une règle qui se comprend. Non. Non, non, non, le licenciement reste, enfin, il a rompu le contrat de travail, ça, on revient pas dessus, il n'est pas nul, mais simplement, il est injustifié, quoi. D'accord ? Après le licenciement, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, vous avez le préavis qui débute. Préavis dont je vous avais posé la question de savoir quelle était sa durée. Donc, en fait, le préavis, c'est 6 mois. Dès qu'on a 6 mois d'ancienneté, le préavis, ça dépend de la convention, de l'accord collectif ou des usages. Si c'est 6 mois, et entre 6 mois et 2 ans, vous avez 1 mois, et au-delà de 2 ans, vous avez 2 mois. D'accord ? Et bien évidemment, ce préavis ne s'effectue qu'à la condition que le salarié n'ait pas commis une faute grave. D'où la question de savoir comment est définie la faute grave. C'était d'ailleurs ce que je vous avais posé dans la question suivante. Et vous avez dans l'ensemble trouvé la réponse. C'est effectivement un arrêt de 2007 qui dit que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La jurisprudence avant, c'était de dire qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis. Et donc, c'est assez cohérent avec la définition, avec l'article qu'on a vu juste avant. Mais en fait, ça faisait... naître un contentieux sur le fait de savoir quels sont les faits qui sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la prévention du salarié, y compris pendant la période de préavis. On ne savait pas très bien, donc la Cour de cassation, elle a simplifié tout ça en 2007 pour retenir cette définition. Et le préavis, c'est pas à partir de 8 mois de... C'est à partir de... 8 mois, on va le voir. Et ça intervient après. C'est les ordonnances Macron ont effectivement instauré un délai de 8 mois. La faute grave, donc, elle est exclusive de l'indemnité de préavis, mais également de l'indemnité de licenciement. Et on va en parler après de l'indemnité de licenciement, mais vous voyez que, en fait, un employeur qui veut licencier pour faute grave, c'est pour éviter d'avoir à payer ces deux indemnités. Et quand vous avez une faute grave, l'employeur doit engager la procédure dans un délai qui est restreint. Pourquoi ? Bah parce que s'il tarde et qu'il attend près de 2 mois avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave, c'est que la faute n'était pas si grave que ça. D'accord ? La faute grave, par définition, c'est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc dès que l'employeur a connaissance des faits, il doit réagir, quitte à... oui. C'est pas le pire. La faute lourde, c'est avec l'intention de nuire à l'employeur. Mais la faute lourde, elle est extrêmement dure à caractériser. La plupart des licenciements, ils interviennent pour faute grave, quoi. Ou faute lourde, c'est agression. Non, ça reste de la faute grave. La faute lourde, c'est l'intention de nuire à l'employeur. Alors, évidemment, si vous avez l'intention de vraiment faire mal à votre employeur d'un point de vue physique, peut-être qu'on retiendra la faute lourde. Mais la faute lourde, c'est plutôt un salarié qui veut, par exemple, sur une chaîne de montage, qui va délibérément casser la chaîne, quoi. Avec l'intention de nuire à la production de l'entreprise en cassant une des machines de la chaîne. Quoi. Ça, c'est de la faute lourde. Quoi. D'accord. Lors d'une grève, vouloir non seulement interrompre son travail, ça c'est une chose, c'est pas de la faute grave ou lourde, mais occuper l'usine et casser ce qu'il y a dans l'usine, ça c'est de la faute lourde. D'accord. Et bien évidemment, vous voyez qu'au regard des conséquences qu'elle produit, c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave. D'accord. Pour la cause réelle et sérieuse, la preuve elle est partagée entre le salarié et l'employeur. Les deux apportent leurs éléments de preuve et le juge, au regard de cette appréciation, va dire s'il y a une cause réelle et sérieuse. Mais pour la faute grave, toute la charge de la preuve, elle repose sur l'employeur. Petite précision sur le préavis. Le préavis, il est fixé, d'accord, par la loi et par la convention collective, d'accord, qui ne peut être que plus favorable que la loi. Et si vous avez un contrat de travail qui mentionne un préavis qui est inférieur à la convention collective ou à la loi, évidemment que ce contrat de travail, il est nul. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais assez souvent, le salarié va être dispensé de l'exécution de son préavis. Pourquoi ? Parce que l'employeur se dit qu'après la rupture du contrat de travail, le salarié ne va pas montrer beaucoup de zèle pour travailler. Donc généralement, il peut le dispenser du préavis. Est-ce que le salarié peut, dans ces cas-là, obtenir des congés payés malgré la dispense de préavis ? Sachant que les congés payés, vous savez, c'est 2 jours et demi par mois. Donc sur un préavis de 2 mois, ça fait 4 jours et demi, enfin ça fait 5 jours de salaire. C'est pas rien comme ça, d'accord ? Autre question. Eh bien. Oui, l'autre question, c'est par exemple, c'est encore plus flagrant avec la voiture de fonction. La voiture de fonction, c'est un avantage en nature, d'accord ? Est-ce que, lorsqu'on donne une voiture de fonction à un salarié, est-ce qu'il doit immédiatement la restituer lorsqu'il est dispensé de préavis ? Et l'indemnité compensatrice de préavis, elle est évoquée à l'article 1234.5, et son principe, c'est qu'elle ne doit entraîner aucune diminution de salaire. Aucune diminution de salaire. Ça veut dire que on la calcule en fonction de toute la rémunération en fait, que percevait le salarié avant. Donc dans la rémunération, il y a les congés payés. Dans la rémunération, il y a la voiture de fonction. Donc si l'employeur dispense le salarié de préavis, eh bien, il peut parfaitement conserver son véhicule de fonction pendant toute la durée du préavis et il remettra les clés à l'employeur à la fin. Du préavis. Et on en arrive à ce fameux délai on en arrive à l'indemnité de licenciement, pardon. À partir de quelle ancienneté peut-on prétendre à une indemnité de licenciement ? En fait, le gros pic que vous voyez là, c'est 1 an pour la plupart d'entre vous. Il y en a d'autres qui ont eu des réponses beaucoup plus farfelues. La bonne réponse en tout cas depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, c'est les fameux 8 mois d'ancienneté. Donc avant c'était 1 an et on est revenu à 8 mois d'ancienneté. Donc vous voyez que tout dans les ordonnances Macron n'est pas défavorable aux salariés, même si bon, c'est pas un énorme cadeau qu'il aurait fait là non plus, quoi. Monsieur, vous avez dit Oui. Il peut la garder ou pas la voiture ? Oui, il peut la garder jusqu'à la fin de son préavis. Et pareil, l'indemnité compensatrice de préavis, elle comporte les congés payés, parce que si on les enlevait, on ferait diminuer, d'accord, la... Il faut avoir 8 mois d'ancienneté ? Oui, ça c'est pour l'indemnité de licenciement. D'accord ? L'indemnité de licenciement, c'est ce que touche n'importe qui licencie ? Non, comme on l'a vu tout à l'heure, en cas de faute grave, il n'y a pas d'indemnité de licenciement et il n'y a pas d'indemnité de préavis. D'accord ? Donc l'indemnité de licenciement, c'est pour les, oui, les licenciements pour cause réelle et sérieuse. D'accord ? Hein ? Je ne sais plus toutes les indemnités qui sont... Je vérifierai si vous voulez. D'accord ? Mais je pense qu'effectivement, ils doivent avoir au moins des indemnités équivalentes. Donc, l'indemnité de licenciement. Vous avez l'indemnité légale de licenciement, mais vous avez également des indemnités conventionnelles. Dans la plupart des conventions collectives, il y a des indemnités conventionnelles qui sont, et c'est le principe, qui ne peuvent être que supérieures à l'indemnité légale. D'accord ? Donc, l'indemnité légale, c'est vraiment le plancher, quoi. Et vous vous rendez bien compte que cette indemnité de licenciement, quelle est sa nature juridique ? Bah, c'est pas quelque chose qui est versé en contrepartie du salaire, du travail fourni. Donc c'est pas un salaire, d'accord ? Ça a la nature de dommage-intérêt qui répare le préjudice, nous dit la Cour de cassation, qui est né de la rupture du contrat de travail. Et pour calculer en fait cette indemnité de licenciement, il y a un article dans la partie réglementaire du Code du travail qui vous donne en fait, qui donne une option aux salariés de faire soit un douzième des 12 derniers mois de salaire, ou bien la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Alors pourquoi il y a cette alternative qui est proposée aux salariés ? Parce que parfois, dans les 3 derniers mois de salaire, vous pouvez, si c'est en fin d'année, vous voyez, vous pouvez avoir une prime. Donc c'est plus avantageux de calculer la moyenne sur les 3 derniers mois de salaire plutôt que de calculer sur un douzième de la rémunération annuelle. Voilà, c'est pour ça qu'on a instauré ce double calcul. Et c'est le salarié qui choisit, évidemment, la somme qui lui est la plus favorable. Donc, le salarié, s'il n'a pas commis de faute grave, touche une indemnité de préavis, s'il est dispensé de l'exécuter, une indemnité de licenciement, et les documents qui lui sont remis. Alors, vous avez évidemment le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et l'attestation acédique. Alors, le reçu pour solde de tout compte, il y a eu une grosse évolution de jurisprudence là-dessus, mais bon, voilà, dorénavant, ça fait l'inventaire de toutes les sommes que le salarié a versées au salarié, et surtout, le salarié, il a un délai très restreint pour contester ce solde de tout compte, parce que dorénavant, c'est 6 mois, d'accord ? Et s'il n'a pas contesté dans les 6 mois, ce reçu pour solde de tout compte ne peut plus être contesté, et donc il est libératoire pour l'employeur pour toutes les sommes qui y figurent. C'est-à-dire que si l'employeur vous a versé sur votre solde de tout compte, il y a marqué congé payé, si vous ne contestez pas devant le juge dans les 6 mois, vous ne pourrez plus ensuite dire que l'employeur ne vous a pas réglé vos congés payés. D'accord ? Et on en arrive maintenant à le contentieux judiciaire que peut susciter toute cette procédure de licenciement. Et vous avez donc deux questions qui peuvent se poser. C'est est-ce que la procédure est régulière ? Et qu'est-ce qui se passe en cas de procédure irrégulière ? Et est-ce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ? Et la cause réelle et sérieuse, elle existe dans tous les cas de licenciement. Elle existe pour les licenciements pour motif personnel, mais elle existe aussi et surtout pour les licenciements pour motif économique. Et le contentieux du licenciement économique, c'est de dire, voilà, il n'y a pas de difficulté économique, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse à ces licenciements économiques. D'accord ? Alors, les articles du Code du travail, sur ce point, ils ont connu pas mal d'évolutions, et c'est ça, en fait, les dernières questions que je vous avais posées dans le questionnaire, elles cherchaient à vous faire à retracer un peu toute cette évolution. Alors, vous aviez, au départ, l'article 1235.1, qui était rédigé de manière assez simple, d'accord, qui vous disait que le juge, qu'est-ce qu'il fait ? Il vérifie la régularité de la procédure, donc si la procédure est irrégulière, il condamne l'employeur à des dommages et intérêts, et il regarde également la cause réelle et sérieuse du licenciement. Et cet article, il vous disait, et c'est un principe qui est maintenu encore maintenant, à chaque fois qu'il y a un doute, le doute, il profite toujours aux salariés en droit du travail. Il profite toujours aux salariés, pourquoi ? Parce que le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, il est déséquilibré au profit de l'employeur. C'est l'employeur qui exerce son pouvoir. Donc vous voyez bien que, en contrepartie de ça, une fois que le contrat de travail est rompu, qu'on se retrouve devant un juge, si jamais il y a un doute sur la réalité de ce qui est reproché aux salariés, eh bien, on aurait pu dire le doute profite à l'employeur. Non, là, on a dit il profite désormais aux salariés. D'accord ? Donc ça, c'est une règle qui est en faveur du salarié. Donc ça, c'était la version initiale de l'article. Et en 2013, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté, en fait, trois alinéas. Et dans le premier alinéa, on a instauré, enfin, on a voulu favoriser la procédure de conciliation qui débute, en fait, l'instance devant le Conseil de prud'homme. Et vous avez toujours, en fait, une première audience de conciliation. Et ce n'est qu'en cas d'échec de cette audience de conciliation qu'on va ensuite devant le contentieux. Et l'idée là, c'est de tarir, d'essayer de trouver un accord entre les parties qui se fera en présence du juge. D'accord ? Donc si jamais les parties se mettent d'accord devant le juge, à ce moment-là, on acte cette conciliation. Et cette conciliation, elle vaut renonciation de la part de l'employeur et du salarié à poursuivre le procès. D'accord ? Donc il y a un procès verbal de conciliation et on met fin à l'instance. En 2015, il y avait une loi qui avait été votée avec des plafonds d'indemnisation et ce barème, en fait, il avait été censuré par le Conseil constitutionnel qui avait dit il y a une rupture d'égalité des salariés. Et donc, pour pallier à ça, on avait créé un référentiel indicatif. Et ce référentiel indicatif, finalement, il a été beaucoup utilisé pendant les audiences de conciliation. C'est-à-dire que l'employeur et le salarié, ils n'étaient pas d'accord sur la cause de la rupture du contrat de travail. Mais devant le juge, ils disaient, on se met d'accord pour que l'employeur verse au salarié la somme qui correspond, en fonction de son ancienneté, au référentiel. D'accord ? Donc c'est un référentiel qui était indicatif, mais finalement qui a eu un énorme effet, puisque l'employeur comme le salarié savait que si jamais il poursuivait l'instance, au final, le juge, il serait lui aussi enclin à appliquer ce référentiel. D'accord ? Donc si l'employeur est prêt à faire un chèque, eh bien il fait un chèque du montant du référentiel et on s'arrête là. D'accord ? Donc vous voyez que là, quelque part, il y a une concession de la part de l'employeur qui dit, ok, je préfère mettre fin à cette instance et vous faire un chèque. Alors, soit exactement du montant du référentiel, soit un peu moins, vous voyez. Et ça, ça a eu un effet assez important, puisqu'il y a, pas mal de conseils de prud'hommes qui se sont trouvés désengorgés, en fait, de beaucoup de procédures, à tel point même que, juste avant en juin dernier, il y avait des conseils de prud'hommes qui avaient été obligés d'annuler certaines de leurs audiences, parce qu'il n'y avait plus assez de procès devant les instances prud'homales. Donc ça a eu un effet quand même assez important pour désengorger les conseils de prud'homme. D'accord ? Et en 2017, avec les ordonnances de septembre 2017, on en revient à une version plus épurée de ce même article 1235.1, avec toujours la possibilité de la conciliation. Et si jamais il n'y a pas de conciliation, à ce moment-là, et là il n'y a plus aucune référence au barème référentiel, d'accord, on va au procès. On va au procès, et qu'est-ce que peut prétendre le salarié lorsque la procédure est irrégulière ? Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et comme on le retrouve ici à l'article 1235.2, d'accord, l'indemnité, elle ne peut pas être supérieure à un mois de salaire. Maintenant, donc ça c'est pour la régularité de la procédure, d'accord ? Sur les dommages et intérêts, quand il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, où se trouve-t-il ? Il se trouve effectivement dans l'article 1235.3. 1235.3, alors évidemment, Il y a une pétition de principe dans le premier alinéa qui dit que s'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, le salarié peut être réintégré dans l'entreprise. Mais l'employeur ne veut jamais réintégrer le salarié. Et bien évidemment, le salarié, la plupart du temps, ne veut pas réintégrer l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on applique des dommages et intérêts. Et ces dommages et intérêts... Alors, il y a un tableau dans le Code du travail, mais je voulais visualiser, en fait, sous forme de graphe, avec, vous voyez, la courbe en bas, c'est le plancher, d'accord, et la courbe en haut, c'est le plafond, au-delà duquel on ne peut pas aller. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, ce graphe? C'est notamment la courbe rouge. Rien de particulier? Alors déjà, il y a, quand vous voyez un graphe comme ça, il y a deux choses qui sont importantes. C'est quelle est la pente de la courbe, est-ce qu'elle est plus ou moins raide, et est-ce que c'est une courbe qui est droite, ou est-ce que c'est une courbe qui ne l'est pas, et notamment qui a, vous voyez, à la fin, à partir de 30 ans d'ancienneté, il y a un plafond, quoi. Et ça, c'est bizarre. Ce qui est choquant, en fait, dans ce barème-là, c'est pour les salariés qui ont plus de 30 ans d'ancienneté. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi l'indemnité dans ces cas-là, non seulement elle est plafonnée, mais elle serait toujours la même que vous ayez 30 ans d'ancienneté ou 45 ans d'ancienneté. Finalement, l'indemnité, les dommages et intérêts, vous voyez, qu'est-ce qui fait que... avant, vous voyez, le juge devait réparer intégralement le préjudice subi. Et finalement, le préjudice, il n'est pas le même selon que vous avez 30 ans d'ancienneté ou 45 ans d'ancienneté. Donc que la loi dise dorénavant, au-delà de 30 ans d'ancienneté, le préjudice sera toujours le même, c'est un peu choquant. Non ? Pas plus que ça ? Et ce qui est étonnant aussi dans ces deux courbes-là, c'est de voir la différence, en fait... Enfin, l'écart progressif qui se creuse, en fait, entre les deux courbes. On aurait pu penser que l'indemnité plancher, ce ne soit pas une fonction qui soit absolument parallèle, quoi. Qui soit automatiquement de 3 ans, quelle que soit l'ancienneté. Vous voyez, on aurait pu avoir une autre courbe, mais qui avait une progression qui était un peu moindre. Et en plus, ce barème que j'ai modélisé ici, ce n'est pas le barème qui s'applique à toutes les entreprises, d'accord ? Il y a une différence pour les petites entreprises, d'accord, de moins de 11 salariés, vous avez un barème qui là va de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut, d'accord. Et autre innovation de la loi, c'est les deux dernières alinéas, pour les dommages et intérêts qui sont octroyés aux salariés, maintenant le juge va tenir compte des autres indemnités et notamment de l'indemnité de licenciement. Vous voyez, finalement, le juge va peut-être parfois se dire, eh bien, l'indemnité légale ou l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle est déjà tellement importante pour le salarié, j'ai pas besoin de lui donner des dommages et intérêts trop, trop conséquents non plus. Et ça, c'est étrange, parce qu'avant, les dommages et intérêts qui étaient octroyés au salarié, ils réparaient le préjudice qu'il subissait. D'accord ? Et le préjudice qu'il subit, il est indépendant de l'indemnité de licenciement qui peut lui être versée par application de la loi par ailleurs. Vous voyez ? Donc il y avait une sorte d'étanchéité entre les deux, et dorénavant, l'article 1235.3 vous dit « non, le juge doit prendre en compte les autres sommes qui vont être touchées par ailleurs pour apprécier le montant des dommages et intérêts », ce qui est, à mon sens, un peu contestable. Revenons donc sur ce barème. Juste pour, et ça c'est un peu un hors-sujet, mais en fait c'est une thématique que j'ai traitée moi dans ma thèse, où j'ai en fait étudié comment le juge va indemniser les personnes qui se retrouvent en détention provisoire injustifiée. Et en fait, la Cour de cassation, elle a une jurisprudence, et sur 10 ans, j'avais repris toutes les décisions de la Cour de cassation, et j'avais essayé de faire une modélisation mathématique pour voir comment, en fait, année par année, les juges indemnisaient en fait les détentions provisoires injustifiées. Donc une personne, vous voyez, elle est placée en détention provisoire injustifiée pendant l'instruction. Le juge d'instruction fait son instruction et à la fin, il considère que la personne qui a été placée en détention provisoire, elle avait rien à y faire. D'accord ? C'est en maison d'arrêt, quoi. Non. D'accord ? Oui, les affaires criminelles, etc. En matière de terrorisme, on met les gens en détention provisoire jusqu'à la fin de l'enquête. et soit on les défère après devant une juridiction, une cour d'assises, soit on les remet en liberté. Vous êtes accusé de viol, et, le procès d'Outreau, typiquement. Le procès d'Outreau, des viols qui se sont produits au sein de la famille, donc sur des personnes, des enfants qui étaient sous l'autorité de leurs parents. Ils ont mis tout le monde en détention provisoire, ils ont prolongé les détentions provisoires, etc. Donc en fait, dans ma thèse, j'étudie comment le juge, comment la cour de cassation elle-même, indemnise ces détentions provisoires. Et quand vous faites la modélisation mathématique, vous arrivez à ces nuages de points suivants. Et qu'est-ce qui est marrant dans ces nuages de points? C'est que vous vous rendez compte qu'en fait, les juges, ils ont tendance à indemniser selon des barèmes qui se créent eux-mêmes, alors qui évoluent un peu, vous voyez, en fonction des différents graphes. Mais finalement, l'indemnisation de la part des juges, elle est linéaire. D'accord? Elle est linéaire et avec... un taux R, je ne sais pas si vous faites un peu de mathématiques financières dans vos cours, par ailleurs, non? D'accord? Un R qui est à 0,9, ça veut dire que c'est une fonction qui est quasiment linéaire. D'accord? Et vous voyez que la pente de ces différents graphes-là, c'est une pente qui est quand même assez élevée. Si vous revenez au barème Macron, alors le barème Macron qui est là, vous voyez que la pente des plafonds, elle est beaucoup plus faible. D'accord. Alors évidemment, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'est de faire exactement la même chose que ce que j'ai fait dans ma thèse sur les détentions provisoires justifiées et de regarder, de colliger en fait les arrêts des cours d'appel représentatifs, je ne sais pas, Bordeaux, Paris, Nantes, Lille, et de faire une modélisation mathématique des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté, des faits qui leur sont reprochés. Et on aurait pu sans doute avoir un barème qui est beaucoup plus fiable est beaucoup plus fin et beaucoup plus réaliste que ce qui figure dorénavant dans le Code du travail, qui, il faut bien le reconnaître, donne un peu une impression d'être arbitraire. Voyez. Donc ça, c'était pour vous dire que simplement, ça a été fait trop vite, en fait, les barèmes de la loi Macron, à partir de données statistiques qui étaient d'ailleurs extrêmement faibles. Et bon, c'est pas forcément... Enfin, il faut espérer que ça sera amélioré par la suite. Le barème n'est pas toujours applicable. Alors, pour quelle raison? Ça, vous voyez, à travers les quelques petites réponses que j'ai vues là, c'est pas du tout ce que j'attendais de vous. C'est mentionné, en fait, aux articles qui sont juste en dessous, en fait, du barème de 1235.3. Et c'est les articles 1235.3.1 et 35.2.1. Alors, l'article 1235.3.1, il a connu une petite évolution, c'est-à-dire qu'au début, en 2016, on vous a dit, le législateur a reconnu que si le licenciement, il intervient alors que la personne, elle est victime de discrimination, ou qu'elle est victime d'un harcèlement sexuel, ou qu'elle intervient à l'encontre d'une femme enceinte, à ce moment-là, le licenciement, il est nul. Et l'indemnité que le juge octroie, c'est minimum 6 mois de salaire, mais ça peut être bien plus. Et une fois qu'on a instauré les barèmes dans l'article 1235.3, on a remodifié un peu l'article suivant. Et dorénavant, en fait, les barèmes ne s'appliquent pas lorsqu'il y a atteinte à une liberté fondamentale, lorsqu'il y a un harcèlement moral ou sexuel, lorsqu'il y a de la discrimination... Ou, autre chose qui peut se produire, le salarié, par exemple, intente une action contre son employeur pour demander le paiement d'heures supplémentaires, et l'employeur est tellement énervé qu'il licencie le salarié. Donc vous voyez bien que le licenciement qui intervient parce que le salarié a simplement voulu aller en justice pour faire valoir ses droits, c'est un licenciement qui, dorénavant, est attentatoire, finalement, à la liberté d'ester en justice, et donc on n'appliquera pas les barèmes dans ces cas-là. De la même manière, si vous avez un salarié qui est un lanceur d'alerte, donc qui a dénoncé des crimes ou des délits qui se sont perpétrés dans l'entreprise, on n'applique pas les barèmes. Et évidemment, pour les salariés protégés, ce qui est évoqué tout à la fin. Mais, donc vous voyez que les barèmes ne s'appliquent pas tout le temps, et voilà l'ensemble des cas dans lesquels on ne les appliquera pas. Mais il y a aussi un autre point sur lequel l'ordonnance de 2017 a innové, c'est sur la pluralité de motifs qui figurent dans la lettre de licenciement. Alors, ce que nous dit dorénavant l'article 1235.2.1, c'est que lorsqu'il y a plusieurs motifs dans la lettre de licenciement, et que un des motifs de la lettre de licenciement, en réalité, est une atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement est nul. Grosso modo, si vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'avoir fait connaître dans l'entreprise une situation de harcèlement moral, d'accord ? Donc ça, c'est le licenciement dans ces cas-là est considéré comme nul, d'accord ? Mais vous pouvez parfaitement, dans la lettre de licenciement, dire, voilà, vous avez accusé l'employeur d'avoir créé une situation de harcèlement moral, ce qui est totalement faux, et par ailleurs, je vous licencie pour faute grave ou inaptitude, etc. Donc vous voyez que dans une lettre de licenciement, il peut y avoir plusieurs griefs, dont un qui porte atteinte à une liberté fondamentale. Eh bien, dorénavant, en fait, le juge, il doit apprécier tous les griefs de la lettre de licenciement et en tenir compte dans l'évaluation des dommages-intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que même si, effectivement, on ne pouvait pas reprocher au salarié d'avoir dénoncé une situation de harcèlement moral, dans la mesure où il a quand même été commis une faute grave par ailleurs, les dommages-intérêts qui lui seront octroyés seront moindres. D'accord ? Et ça, c'est une grosse évolution parce que avant, la Cour de cassation, dans les arrêts qui sont mentionnés là juste en dessous, par exemple, vous disait que si jamais, par exemple, vous licenciez quelqu'un pour avoir alerté l'employeur d'une situation de harcèlement moral, eh bien, le licenciement, il est nul, quels que soient les motifs qui sont dans la lettre. Donc la Cour de cassation, elle disait, par exemple, si vous licenciez quelqu'un pour avoir fait grève, le licenciement, il est automatiquement nul parce que ça porte atteinte au droit de grève, d'accord ? Même si tous les faits qui sont avérés par ailleurs dans la lettre de licenciement sont vrais, le licenciement, il est nul et le juge a l'interdiction de regarder les autres griefs de la lettre de licenciement. Eh bien, dorénavant, en fait, le juge devra regarder les autres griefs et si ces griefs sont avérés, eh bien, ça viendra en diminution des dommages et intérêts qui étaient octroyés aux salariés, d'accord ? Donc vous voyez qu'il y a une grosse évolution de la loi de ce point de vue-là pour briser en fait cette jurisprudence de la Cour de cassation qui existait auparavant. Quelques mots maintenant sur le licenciement économique. Mais alors, quelques mots simplement. Donc évidemment, l'article sur le licenciement économique, c'est l'article 1233.3. Ça, c'est juste d'un bloc. On va essayer de le scinder, enfin le scinder en plusieurs blocs, en plusieurs parties. Alors, qu'est-ce que la loi de 2016, elle est venue changer ? La loi de 2016, elle est venue préciser, en fait, les différents cas de licenciement économique qui avaient été reconnus par la jurisprudence. Mais ces cas ne sont pas limitatifs. Et ce qui est très important dans le premier alinéa, c'est l'adverbe « notamment ». Notamment, ça montre que la liste n'est pas limitative et qu'on pourra trouver d'autres cas de licenciement économique. Alors, vous avez évidemment la difficulté économique, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise et la cessation d'activité. Alors, ça, ces quatre causes économiques, elles doivent figurer dans la lettre de licenciement. Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation. Elle vous dit, pour qu'il y ait une cause réelle et sérieuse dans un licenciement économique, il faut deux choses. Il faut que la lettre de licenciement énonce la cause économique et qu'elle montre ensuite la suppression de l'emploi du salarié. D'accord ? Il y a deux choses dans un licenciement économique, la cause économique et la suppression de l'emploi du salarié. S'il y en a un des deux qui manque, le licenciement, il est automatiquement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les pires difficultés économiques au monde, si vous n'avez pas supprimé l'emploi du salarié derrière, vous ne pouvez pas le licencier. Ça veut dire que, grosso modo, vous êtes dans une entreprise, vous avez tellement de difficultés économiques que vous n'aurez plus votre service de compta. Donc vous allez licencier tous les salariés du service de la comptabilité parce que vous aurez recours à un expert comptable qui vous coûtera beaucoup moins cher. D'accord ? Eh bien, dans la lettre de licenciement, vous devez d'une part décrire les difficultés économiques et d'autre part dire le service de comptabilité est donc supprimé. Et donc tous les postes de ce service, notamment le vôtre, d'accord ? Dans ces cas-là, la lettre de licenciement, elle est motivée. Mais si vous dites juste, on a des difficultés économiques terribles, je vous licencie, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse. Ou à l'inverse, dire on supprime le service de comptabilité, donc je supprime votre poste et vous êtes licencié. Si vous n'énoncez pas pour quelle raison vous le faites, il n'y aura pas de cause économique à votre licenciement. D'accord ? Une cause économique, les difficultés, etc., et la suppression du poste du salarié. D'accord ? C'est le premier arrêt de 98 que je vous ai mis là. Et évidemment, ce que va vouloir essayer de prouver le salarié, c'est que juste après son licenciement, l'employeur a eu recours à des intérimaires, par exemple, pour continuer à travailler sur son poste. D'accord ? Si le salarié arrive à apporter cette preuve. Dans ces cas-là, évidemment, le juge va dire qu'il n'y a pas de cause économique réelle et sérieuse. D'accord ? Les arrêts vidéocolores, bon, ça, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer aujourd'hui. Les difficultés économiques, bon, bah, tout ça, vous le regarderez sur la vidéo YouTube. Les difficultés économiques, vous voyez que dorénavant, la loi, elle a précisé en fait ce que c'est qu'une difficulté économique. Par cette liste qui apparaît là et qui dépend en fait de la taille de l'entreprise. Si vous avez un des indicateurs qui a baissé sur un trimestre pour une entreprise non salariée, il y a des difficultés économiques. Et en fonction de la taille de l'entreprise, vous voyez que les seuils sont de plus en plus élevés. Donc en fait, il y avait un gros contentieux avant sur ce que constituait une difficulté économique. Dorénavant, vous voyez que l'office du juge est bien beaucoup plus simple puisque le juge regardera si il y a eu des commandes ou un chiffre d'affaires en baisse pendant ce qui a été défini par la loi. Sur les mutations technologiques, je vous renvoie à la présentation. Sur la réorganisation de l'entreprise aussi. La notion de groupe. Alors effectivement, la notion de groupe, c'est dorénavant, en fait, la notion du groupe, c'était compliqué avant parce qu'en fait, il y avait une définition. Enfin, il n'y a pas vraiment de définition dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais la manière dont la chambre sociale appréciait le groupe était totalement différente de la logique du groupe au sens du code de commerce. Et les ordonnances Macron de décembre 2017, elles ont dit dorénavant la notion de groupe en matière de licenciement économique, c'est la même chose que la notion de groupe dans le code de commerce. Donc en fait, dans le code de commerce, vous voyez, il y a un groupe si la société mère, elle détient plus de la moitié du capital social d'une filiale. Donc en fait, c'est que des liens capitalistiques qui permettent de déterminer l'étendue du groupe. Et si ce n'est pas des liens capitalistiques, ça se fait avec la majorité des droits de vote aux assemblées générales. Il n'y a que dans l'article 233.16 qu'on évoque à la fin l'influence dominante qu'aurait une société mère sur une société fille, mais ça ne donne pas lieu à beaucoup de contentieux pour l'instant, parce que c'est extrêmement dur à prouver. Mais donc, dorénavant, en fait, pour caractériser un groupe, il faudra simplement appliquer la logique qui est purement commerciale, quoi. Et l'obligation de reclassement, ça sera juste deux mots, mais en fait, on ne peut pas licencier un salarié pour motif économique si l'employeur n'a pas préalablement au licenciement fait tous ses efforts pour reclasser le salarié. D'accord ? Et donc, si l'employeur ne satisfait pas... Alors, il reclasse le salarié, soit dans son entreprise. Si l'entreprise fait partie d'un groupe, dans toutes les entreprises du groupe où il y a une permutation de personnel qui est possible, voire en externe. Il y a parfois des obligations de reclassement externe, mais c'est beaucoup plus rare. D'accord ? Et ça, c'est très important. C'est que avant même de regarder si le licenciement économique il a une cause réelle et sérieuse, on regarde si l'employeur a bien effectué cette obligation de reclassement. Et si jamais il ne l'a pas fait, alors forcément, le licenciement il est sans cause réelle et sérieuse. D'accord ? Ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à... Enfin, il y a énormément de contentieux là-dessus. Et en fait, la loi, l'article 1233.4, si vous regardez son évolution, en fait, il n'a fait que restreindre... l'étendue du groupe et du secteur d'activité dans lequel on doit faire ce reclassement. Parce que pendant un temps, la Cour de cassation, elle considérait qu'on devait faire, quand vous appartenez à un groupe de dimension internationale, l'employeur devait faire cet effort de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, y compris à l'international. Et vous voyez que dans des dossiers, moi j'ai fait des dossiers, notamment je me rappelle d'un dossier contre Aldi. Aldi, en fait, ils ont des marchés dans, je crois, 180 pays du monde, quelque chose comme ça, quoi. Donc là, vous licenciez quelqu'un, il faut que Aldi arrive à prouver qu'il ne pouvait pas reclasser cette personne-là dans les 180 pays du monde où ils ont des filiales. La Cour de cassation, en voulant à tout prix que le salarié soit reclassé, elle était allée à de telles extrémités que depuis 2015, on a dit « bon non, le reclassement c'est en France ». Pendant un temps, on a admis que ça pouvait être à l'international si le salarié le demandait, mais dorénavant, voilà, on fait des reclassements en France parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui n'a pas un niveau de cadre dirigeant, il ne va jamais vouloir être classé à l'autre bout du monde, quoi. Donc en fait, on a un peu brisé toute la jurisprudence de la Cour de cassation en remodifiant petit à petit l'article 1233-4, quoi. C'est